tu es vivant ? Ça va, mon vieux ? Mais où est Sirius ? On est où, là ? Devant mon temple, mais ne t'inquiète pas, personne ne t'a vu atterrir. Ouais, très bien, ouais. On est allé à la grotte récupérer le Macross, mais Sirius n'a pas survécu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le Macross, c'était un faux. Regardez, c'est un masque de Hollow. À l'intérieur, quelqu'un a gravé quelque chose. Donne-moi ça. J'ai caché cet objet du diable dans un endroit secret et je l'ai remplacé par cette copie en plâtre. Je veux que vous sachiez que c'est moi qui ai découvert votre secret et que je ferai tout pour que vous n'atteigniez pas le sommet de votre puissance. Et c'est signé R.A.B. Il veut qu'on reconnaisse sa bravoure, mais il signe avec un acronyme. C'est débile. On a réussi à récupérer le faux Macross, mais on a déclenché un dispositif de défense. Et Sirius y a laissé la vie. Ou alors il s'appelle Robert A.B. R.A.B. Hachi, tu as les yeux rouges. Ça veut dire que tu as pleuré sa mort ? C'est pas croyable, toi qui es plus insensible qu'un homonculus. Mais arrêtez de dire nimp, je suis pas un monstre quand même. Faut-il que je te rappelle que 10 minutes après que Dumbalo soit mort, tu nargues Destinova en montrant la superbe licence de Hunter que tu venais de gagner ? Ouais, bah il l'avait bien cherché d'abord. Et puis bon, bah oui, j'ai pleuré la mort de mon parrain. C'est normal, non ? C'était la seule famille qui me restait. Ouais, maintenant c'est fini, c'est du passé. Ce type est une machine. Enfin, encore pire que moi, je veux dire. Bah, je m'y étais préparé. Dumbanawa m'avait bien précisé de ne pas trop m'attacher à mon parrain en début d'année. Il faut cacher le vaisseau de Sirius, maintenant. Derrière mon temple, on va le mettre sous une bâche. Eh, mais c'est une réplique d'époque. De quelle époque ? Mais non, sombre idiot. Harit parle du nom original du vaisseau dans le jeu Chrono Trigger. Incroyable ! C'est aussi moche que la version Super NES. Oh, il y a un levier en forme de C pour remonter le temps. Hein ? Mais c'est génial ! Plus d'un innocent pourrait être sauvé si je remonte dans le passé. Désolé de vous décevoir, mais d'une, le levier est grippé, de deux, les époques sont inutiles dans le cas présent. Au mieux, on peut revenir en l'an 600 ou en l'an 1000. C'est le plus proche que je puisse faire. J'y croyais pas trop de toute manière. Oh, j'ai failli oublier. Umbrella te cherche et elle est furieuse. Elle a dû flairer l'embrouille quand je lui ai dit que tu étais parti travailler à la médiathèque. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est tout moi, ça, d'aller bosser pendant que d'autres s'amusent au village. Mais t'as rien dans le ciboulot, ma vieille. Hey, psst. Au fait, t'as inventé quel mensonge pour Umbrella ? J'ai dit qu'un cinquième année m'avait tabassé pour me racketter, et que c'était pour ça que j'étais amoché de partout. S'il vous plaît, derrière, un peu de silence ! Je reprends. Dans le scénario original, Toki était censé ne pas voir l'étoile annonciatrice de la mort, ce qui aurait eu d'autres conséquences concernant... Hey, les gars, vous avez lu le journal de ce matin ? C'est un truc de fou ! Attends, je le planque sous le bureau. Hein ? Terreur dans le monde otaku, la prison d'Impel Down a démontré encore une fois qu'elle était un véritable gruyère. Après la fuite de Sirius Blackjack, c'est à présent une dizaine de partisans de celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom qui a réussi à s'échapper. Personne n'a compris ce qui s'est passé, a déclaré Ibiki le gardien en chef. Les Blue Gorilles nous ont également définitivement abandonnés. Il est probable que cela ait aussi un lien avec la destruction partielle du chemin des perverses, quartier de Londres dont la réputation n'est plus à faire, et en parallèle du kidnapping du fabricant Oniwaban, qui fournit en bandeau chacune de nos jolies têtes blondes le jour de leurs 11 ans. Sérieux ? Et Lupin qui n'est plus revenu depuis la dernière fois. C'est pour ça qu'un peu plus tard, Kenshiro voulut se débarrasser définitivement de Raoult. Ah, la cloche sonne. Bon, eh bien, pour la semaine prochaine, vous ferez un résumé des tomes 7 et 8. Ils sont déjà tous partis. Pas moi, professeur. Encore vous, Miss John. Je me demandais si vous pouviez me donner ma note du contrôle de la dernière fois. Je crois que je me suis complètement trompée sur la relation entre le roman et le manga d'Aren-chan. Putain, Miton, on doit parler au professeur gastrique. Oh ! Plaît-il ? Que me vaut l'honneur de votre visite, messieurs Powa et... Tid, c'est ça. On voudrait savoir ce que vous savez concernant... le pacemaker. Comment avez-vous eu connaissance de cela ? Enfin, ça m'étonne qu'à moitié, mais le professeur Lupin et Trollen m'avaient dit que vous tourneriez peut-être vers moi un jour. Dans ce cas, écoutez-moi. Ce n'est pas un hasard si Trollet a été admis dans cette école juste après le décès du professeur Bembanawa. Même si Umbrella pense qu'il est de leur côté, Trollet était l'un des plus fidèles amis de notre ex-directeur. Ils ont combattu ensemble l'oppression des Hellboy et de vous savez pas qui il y a plus de 10 ans. Croyez-moi, tant que Trollet sera à Jobar, vous pourrez être certain que l'école sera en sécurité. Ni vous, ni le pacemaker ne seront en danger tant qu'il sera là. Quant à vous, Miss John, ne vous inquiétez pas. Vous avez eu 110% de bonnes réponses au précédent examen, il n'y a vraiment aucune raison de vous inquiéter. Yata ! Pourquoi est-ce que c'est toujours les bons élèves qui ont peur de foirer les examens ? Et donc, en quelle année le bureau des censures a-t-il fait interdire les Shinangels d'après vous ? Moi ! Oui, allez-y. Le 16 septembre 88 à Kyoto. Il a été retiré de la vente quelques semaines plus tard, mais il est toujours possible de le trouver sur internet. Ah, c'est nouveau, tu sais où te procurer des hentai maintenant. Et c'est nous qu'on traite de pervers. Réponse Réponse exacte. 5 points à Albator. Professeur Kigel, désolé de vous interrompre. C'est une urgence. Tous les élèves doivent regagner le temple du Chevalier du Bélier. Tout de suite. Je dois vous annoncer une terrible nouvelle. Malgré les mesures drastiques que le ministère a entreprises dans l'enceinte de Jobar, un élève a été assassiné il y a quelques minutes. Il semblerait qu'on l'ait poussé du haut du temple du Verseau. Il s'agissait de Koa McLagoon, un élève de la maison Albator, laissant une sœur et un neveu orphelins. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Nom d'un automel géant! Mais c'est terrible! La brigade inquisitoriale fantôme et moi-même allons procéder à des interrogatoires de tous les élèves, professeurs et personnels résidents n'ayant aucun alibi. Pour les autres, vous pouvez retourner en cours. On veut pas! Ah oui, il y a cette histoire de post-traumatisme, c'est ça? Pff, les gamins de nos jours. Bon, très bien, je n'ai pas le choix, sinon les associations de parents d'élèves vont tomber dessus. Nous allons vérifier chacun de vous, et après, vous aurez la journée libre pour... post-traumatiser. Ça va donc jamais s'arrêter? À tous les coups, il y a une taupe dans l'école. Un partisan. J'ai entendu dire que Trollé était en cours avec des 7e années. Ça, ajouté à ce que Gastric nous a dit, je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est bon, je suis libre. Je vais aller un peu à la médiathèque. Ou alors, j'aimerais bien tricoter des petits chapeaux pour mon groupe d'adorateurs de Pokémon en peluche. Au fait, Harry n'a pas d'alibi. Maman? Bon, je vais me faire disculper vite fait, et puis après j'ai un truc à vérifier. Mais je vais y aller seul cette fois, Owen. Il vaut mieux qu'on nous pense ensemble dans la salle commune. Ok. S'il y a quelque chose caché dans cette école, à mon avis, il n'y a qu'ici qu'on pourrait le mettre, dans le temple du grand pop. Bon, personne à l'horizon? Ok, c'est parti, je rentre. Moi, fatigué. Mais c'est quoi ce truc? Protéger. Je dois protéger. J'hallucine! C'est encore un de ces monstres cybernétiques! Il ressemble à Sloth du manga Full Metal Alchemist. Protéger. Ah. Intrus détecté. Mais ils sont barjots de mettre un monstre comme ça dans une école. Il a dit quoi? Il était sur une trappe? Hachi, bonjour. Yuya, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Tiens, d'après tes boucles d'oreilles, tu lis Pandora Arts en ce moment. En fait, je cherche mes chaussures. Je suis contente d'avoir quelques heures sans cours. Je commence à avoir froid de marcher en chaussettes. Mais qui te les a volées? J'ai ma petite idée. Tout à l'heure, je l'ai vue qui passait par là. Oh! Mais la voilà! Viens avec moi, Hachi! Hein? Mais tu m'emmènes où? J'ai vu personne, moi. La vache, mais tu cours vite, même sans chaussures! Par ici! Bon, bah ça va, vous arrêtez de me suivre maintenant. Qui parle? Regarde en bas, bougre d'idiot. Oh, comme elle est mignonne! Une mini perso-com? Elle s'appelle Arietti, et je suis sûre que c'est elle qui m'a pris mes affaires. Oui, bon, c'est vrai, c'est moi. T'es contente maintenant? Mais t'es vraiment minuscule! Tu veux mourir, le binotelard? Allez, monte-nous, t'as caché tout ça. D'accord. De toute manière, on y est presque. C'est derrière cette porte, au fond. Tu connais cet endroit, Yuya? Je crois que c'est un débarras du concierge. J'ouvre! C'est à peine plus grand qu'un placard à balai et c'est quasiment vide. Mais si, vous n'êtes vraiment pas observateur. Le mur du fond est une autre porte. Ah ouais, en effet. Et ça donne sur... Mais c'est immense! Je vais allumer. Mais c'est quoi tout ça? J'ignorais qu'il y avait une salle aussi grande à Jobar. Oh, voilà mes affaires! Mais c'est à moi ça! Possible. Ah bah je vais le reprendre si ça te dérange pas. Bon, et d'où est-ce que tu sors tout ça? Y'a des mangas entassés partout, des tables, des chaises et même des lits, on dirait. Je les ai empruntés. Autrement dit, tu es une perso-com kleptomane. Plutôt bizarre. Je suis programmée comme ça, j'y peux rien. C'est quand même incroyable que tu aies pu entasser tout ça. Ça a dû te prendre un temps fou. J'ai été créée il y a 40 ans. Je mets plusieurs jours à déplacer un simple objet. Si longtemps? Mais j'y pense, tu as peut-être des informations concernant Ouro Démenroté. Hachi, tu arrives à prononcer son nom, ça n'est pas très banal. Je n'ai personne de ce nom dans ma base de données. Très bien, et peut-être que le nom de Tam Jokerman va raviver ta mémoire? Oui, en effet, il était l'ami de mon créateur. Avez-vous un téléphone portable sur vous? Je pourrais y transmettre mes données. T'en as un, Yuya, non? Viens par ici, mon ami. On sera à l'abri. Et si jamais il découvre que c'est moi? Je vais essayer de te couvrir, ne t'inquiète pas. Mais ton robot a fait trop de crimes comme ça. Arietti n'a rien à voir là-dedans. Regarde-la, elle ne serait même pas capable de faire du mal à une mouche. Ne te cache pas, voyons, tu n'as rien à craindre. Écoute, Je veux bien te croire, Cumulus. Mais le fait est qu'il y a déjà 2 morts à Jobar. Je l'ai reprogrammé. Bien sûr, mon ami. Mais le professeur Donbanawa commence à avoir des doutes. Je préférerais être renvoyé plutôt que de voir Arieti en morceaux. C'est pas vrai? Arid était un ami de Jokerman? Ça serait lui la taupe? Et c'est quoi cette histoire de meurtre? T'as vraiment tué quelqu'un? Dans ce cas, tu dois avoir des images de ça. Cela a été effacé de ma mémoire. Désolée. Je vois, c'est noté. Je crois que j'en ai assez entendu, Hachi. Je vais y aller. D'accord, je viens aussi. Quoique, je vais encore rester 5 minutes. Tu me laisses ton portable, s'il te plaît? Merci. Arieti, t'aurais une vidéo qui concerne mes parents, Jace et Vivi Powa? Tout à fait. J'ai des données sur Jace Powa en stock. Je les transfère. Salut, Jace. Hey, salut, Sirius. Ça va, Arsène? Pas trop mal. Mon corps commence à s'habituer à la métamorphose. Eh ben, c'est signe que ça fonctionne. Mais j'avoue que faire ça nous-mêmes, c'était pas la meilleure des idées. Au fait, vous avez vu Cowboy Bebop pour le cours d'animé? J'ai pas trop compris le dernier passage. Mais on s'en fout, mon vieux. Pas la peine de bosser, ça sert à rien. Pas vrai, Jace? Oh, mais carrément. Vous avez toujours des bonnes notes, vous. C'est pas normal, ça. Mon cerveau est une véritable machine. Mais c'était pas ce cher Cerbilus? Hey, Snap! Ouh, Snap! Fermez-la, allez demeurer. Eh bien, Cerbilus, qui t'a appris la courtoisie? Tu devrais même t'incliner devant nous, n'est-ce pas, Sirius? Viens baiser les pieds de Leto, le dieu du soleil! Excellente, celle-là, Sirius! Vous croyez drôle, les débiles manteaux? Oh, mais voyez-vous cela, cette chère Vivier Vance. Tu veux toujours pas sortir avec moi? Je préférais largement qu'on fasse de moi un cobaye humain. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, les gars, qui a envie de voir le caleçon de Cerbilus? Ouais. Fin de transmission. Alors comme ça, mon père était aussi odieux que ça? On m'avait dit que je le ressemblais, mais là j'ai des doutes. Bon, merci Arieti. Et évite de trop me piquer mes affaires. Tiens, un manuel d'Angelic Killer de première année. C'est pas celui que Samus recherche depuis 2 mois? Ah non, il a l'air plus vieux. C'est écrit, ce livre appartient au prince du tennis. Moi, je le prends, on sait jamais. Ça peut valoir quelque chose. J'ai vu mon père. Et voilà qu'il délire encore! Mais non, j'ai rencontré un robot miniature qui a enregistré plein de trucs au long des années. À vrai dire, mon père était pas un saint apparemment. Et c'est pas tout, et là c'est un scoop. C'est Arid la taupe. Il était ami avec Waru Demoroté quand il était jeune. Mais c'est impossible! Arid est notre ami! Ouais, j'en sais trop rien, il est distant ces derniers temps. Bande de boulets! Ça y est, Pawa! Mon père est enfin sorti de prison! Sans Dumbanawa, Jobar va bientôt devenir une prison plus qu'une école! Tu aurais mieux fait d'accepter de rentrer dans ma borne en début d'année! À présent, il te recherche! Ouais, c'est ça. Tant que Troll sera là, je ne craindrai rien. Au secours! À l'aide! On vous a un problème! Qu'est-ce qui se passe encore? Oh mon dieu! C'est Trollet! Trollet a été assassiné! Non, quelqu'un lui a cassé sa jambe de bois et l'a poussé de la falaise. Bah, et son corps est remonté à la surface de l'eau. Non mais ça suffit les morts, j'ai déjà perdu une vie moi. Si je crève encore une fois, je vais vraiment y passer. J'ai brûlé mon Joker. Regarde Hachi, ses traces de pas! C'est forcément Trollet! Et on dirait qu'il venait du temple de Arid! Bon, c'est décidé. Ce soir, je vais descendre par la trappe dans le temple du Grand Pop. Tu as raison. Il faut qu'on arrête Arid avant qu'il ne trouve le pacemaker pour le donner à tu sais pas qui. Une minute, vous venez pas avec moi, c'est trop dangereux. Mais bien sûr, tu te fous de nous? On y va ensemble. Bon, d'accord. Vous êtes lourd, vous savez. Bon, vous y êtes? Le monstre derrière, c'est Sloth. Il est lent, je pense qu'on peut passer par la trappe dès qu'on entre. Mais il va falloir aller vite. Il dort profondément, on dirait. Arid nous a devancés. C'est vrai qu'Arid a plutôt une forte musculature. Il a dû lui donner un coup puissant. Sous son pied, il y a la trappe. Aidez-moi, on va le bouger. Voilà. Hein? Sautez. Je suis entier. Moi aussi, ça va. Pareil. Bon, il faut qu'on continue. T'aurais pas un sèche-cheveux, Miton? Comme si je me baladais avec ça. Sinon, il y a une ventilation, là. Bon, on va dire qu'on est sec, sinon on va encore perdre un temps fou. C'est par là. Mais on est où? J'ai la berlue. On dirait un jeu de shogi géant. Arrête. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on joue une partie de shogi pour pouvoir passer? Ne t'inquiète pas, Hachi, je suis balèze à ce jeu. Fais-moi confiance, je suis une bille au jeu de go, mais le shogi, ça me connaît. Je te signale que je t'ai toujours battu au shogi. Alors ça devrait être moi qui prends les rênes de ce jeu. Pas question, tu vas encore tout faire foirer comme d'habitude. La porte est ouverte. Ça a aucun intérêt de rester ici. Bon, je vais continuer seul. Vous, vous trouvez un moyen de sortir de là, ok? Oh bah non, je voulais jouer et risquer ma vie, moi. T'auras bien d'autres occasions, crois-moi. Allez, j'y vais. Qu'est-ce que... La sortie est bloquée par du feu. Arid, répondez-moi, Arid. Arid? Je crois qu'il y a erreur sur la personne. Vous? Harry ferait un bon coupable, n'est-ce pas? Qui pourrait soupçonner le postillonnant professeur Kigel? Mais c'est impossible! Au contraire, tout est parfaitement logique. Tout est à cause de moi, en réalité. Je t'ai surveillé depuis le jour où tu es arrivé à Jobar. D'abord, j'ai tenté de manipuler ton personnage virtuel lorsque tu jouais à l'Angelic Killer. Mais au lieu de t'affaiblir, cela te rendait au contraire plus fort. Cela était probablement dû à la puce située dans ton cerveau qui faisait des interférences. Et le jour de la fête du feu? J'avais fait entrer un Hellboy, en effet. J'ai fait exprès de me tromper sur le nom de son cosplay, pour me faire disculper. Ouais, Alzheimer plutôt, hein. Et Snap, il était blessé à la jambe. C'est d'abord lui qui a tenté d'entrer dans le temple du Grand Pop. Il s'est fait blesser par Sloth. Par la suite, j'ai fini par étudier son comportement de robot pour le rendre partiellement inoffensif. Mais jusque-là, Dumbanawa et Trollet faisaient des rondes. Ah oui, donc on déballe tous les mystères, quoi. L'examen des Hunters? Toujours moi. Je t'ai donné un chewing-gum avec des nanoparticules qui alimentaient ta puce en bonne réponse. Et évidemment, je t'ai déposé un deck Yu-Gi-Oh! Composé des meilleures cartes que j'ai amassées tout au long de ma carrière. Par la force, cela va de soi. Ensuite, j'ai essayé d'éliminer le plus de monstres possible sur ta route lorsque tu gravissais la tour Karine. Mon maître a été ravi! Il va me récompenser au-delà de mes espérances. Ouais, je comprends tout à présent, sauf l'histoire avec Arid. Ce passage est des plus amusants. Mon maître connaissait ce lourdeau d'Arid il y a longtemps. Il a voulu le faire inculper de meurtre à l'époque, car Arid commençait à mettre son nez dans les affaires du maître. Ce dernier a donc créé un perso comme, qui n'avait que deux fonctions primaires. Voler et enregistrer. Dumbanawa commençait à sentir quelque chose de louche qui se tramait. Alors le maître a tué deux élèves, puis a rejeté la faute sur Arid, ayant au préalable modifié la mémoire de son petit robot Arietti. J'ai vu que tu te baladais dans les couloirs la dernière fois. La conversation que tu as vue entre deux n'a jamais eu lieu. Et c'est moi qui ai fait en sorte que tu suives ce perso-com, pour que tu me lâches un peu les baskets et que tu crois ton ami coupable. Mais la mort de Koa et celle de Trollet, vous aviez un alibi? Eh oui, Pawa. Je peux facilement tuer des gens tout en restant assis gentiment à vous faire la classe. Tout simplement grâce à ceci. La clé du Millennium, l'un des Macross Seven. Tu es bien renseigné, on dirait. Alors, tu sais que je peux manipuler l'esprit des gens avec ça. Ces moines tibétains qu'on a torturés ont bien travaillé, je dois le reconnaître. Vous aussi, vous êtes manipulé. Revenez à vous. Ferme-la. Mon maître veut s'embarrer de ce pacemaker. Et je suis sûr qu'il est à l'intérieur de cette statue de bronze de l'armure d'Alphonse Elric. Mais comment la prendre? Kigel, faire-toi de l'enfant. Venez ici, Pawa. Jamais. Laisse-moi lui parler face à face. Vous êtes certain? Bon, comme vous voulez, mon maître. J'active la vidéoconférence sur mon smartphone. Jokerman, t'as trop peur de me défier en vrai? Lâche! Moi? Lâche! C'est juste que j'ai d'autres projets en attendant. Mais bientôt, tu vas me rejoindre, d'une manière ou d'une autre. Allez, si tu fais ce que je te dis, je serai un peu plus clément. Pose tes mains sur l'armure. C'est encore un coup de Dumbanawa. L'armure ressent si la personne est pure. Alors dans ce cas, elle s'ouvre. Vraiment? Alors si c'est ça, je vais me brûler les mains. Kigel! Pas si vite, Pawa. La clé du Millennium va nous y forcer. Pose tes mains sur cette statue, je te l'ordonne. Mon corps, je ne le contrôle plus. Non. Parfait, parfait. Ça s'ouvre. Le pacemaker, maître, je l'ai, je l'ai. Excellent. La clé, yeah. Sombre crétin. Tu as jeté la clé dans le feu. Je vais te tuer. C'est quoi ce bordel? La salle, elle commence à tomber en ruine. Les colonnes se détruisent les unes après les autres. Ah. Non. Tempête, tu s'es effondré sur Tigel. Le pacemaker a été broyé. Vite, faut que je me casse d'ici. Yeah. Ouh là là, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Au moins, avoir la vie éternelle, c'est plus d'actualité pour le moment pour lui. Enfin, sauf s'il me découpe le cerveau. Hachi, par ici. Juan, c'était Kigel, le traître. On s'en est douté. Umbrella était avec Harry en train de vouloir le condamner à mort. Et là, devine quoi? Totoro a déboulé dans le parc, a griffé Umbrella et est parti avec Harry dans son yacht. Sérieux? La vache, j'aurais voulu voir ça. C'était génial. Et après, Wed, Warge et d'autres mecs ont foutu des beignes à Dracho et ses potes. Et où elle est, Elmiton? Elle est repartie dans notre dortoir. Ah, on sort enfin de cet endroit maudit, ça faisait flipper. En plus, t'as tout défoncé. Mais c'est pas de ma faute. En tout cas, j'ai réussi à tuer Kigel, détruire le pacemaker et détruire un Macross en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Trop fort. Un pas de plus vers la victoire. Hé, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Là, je crois qu'on recule plus qu'on avance. C'est Snap avec des Hellboy qui arrivent sur la plaine en bas de l'école. C'est... des centaines de blougueries. Ils sortent de sous la mer. À la base, c'est des créatures qui peuvent vivre sous l'eau. Vite, faut qu'on trouve un moyen de leur échapper. Hachi, Juan, je viens de voir ce qui se passe. Tenez, c'est trop lourd pour moi. C'est toutes nos affaires? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'en va. J'y avais pensé depuis quelques jours. J'ai rassemblé les affaires les plus importantes dont on aura besoin dans ces sacs. D'ailleurs, charmant ton slip de Raymond. Ouais, ben c'est pas moi qui achète mes fringues. Mais du coup, on va où? Chez toi, Juan. En tout cas pour le moment. Très bien, c'est la seule solution, t'as raison. J'ai consulté la carte de Jobar de Hachi sur son ordinateur portable. Il y a un chemin de terre qui part du temple des Gémeaux vers la forêt. Ainsi, on pourra récupérer le vaisseau de Sirius. Ouais, je le vois, c'est par là. Pleugoris, encerclez Jobar. C'est Snap. Si je pouvais, je m'occuperais de lui ici même. Mais pour l'heure, on n'a pas le choix. Voilà, on arrive près du temple de Harid. Bon, c'est parti. Le destin a voulu qu'on s'en aille, mais nous reviendrons. Don't forget.